Roberta. Je veux pas faire partie de la jet set. Non. Je veux pas faire partie de la jet set. Je veux pas faire partie de la jet set. Je coupe ma sobies au jet 27. À la limite, mais c'est cadavérique que cette ambiance de bête sec. Je suis comme paralysé. Le sperme se consomme comme chewing-gum. Et de petites drogues pour faire rire l'homme. Transite de main en main. Plus je côtoie l'homme, plus je l'aime de moins en moins. Et plus on parle et plus ça glisse en partout. Qu'est-ce tu veux faire quand t'as v'là le flouze? On s'ennuie partout. Gros, c'est pas le tout que t'es les cartouches ou les cartes. Faut que t'écrases tout ou que tu les écartes. J'vois ma vie comme un cartoon. Mes ennemis m'attrapent jamais. J'mange des bonbons à la pelle. Lorsqu'on veut m'aider, on me tend la main de Jamel. P dépasse la zeb. J'suis pas la bête de foire de Capchaman. Si j'arrêtais de faire semblant, juste une fois. Sullivan est grand, le monde est trop petit. Si j'arrêtais de faire semblant, juste une fois. Sullivan est grand, le monde est trop petit. Et le monde est tellement grand. Je rassemble les éléments. J'ai l'idée, j'ai les vœux. Cette bitch est vénéneuse. Je ligne et je fais des œufs. On fait vibrer tes vieux os. Ma firme est généreuse. Pas de fausse modestie, j'manie le chrome et le bic comme Joe Pesci. Oh, t'obéis au mauvais type. On cautérise nos plaies, on joue la comédie. On monétise nos vies, violettise nos vues. Nos limites, vos limites. Grosse équipe, beaux épiques. Dorémy, Foretti. Les questions, forissons. Si j'arrêtais de faire semblant, juste une fois. Impossible. Sullivan est grand, le monde est trop petit. Si j'arrêtais de faire semblant, juste une fois. Impossible. Sullivan est grand, le monde est trop petit. Puis j'ai besoin d'horizon, mais ton gros cul cache la vue. J'suis noyé dans le houblon, le réel ne m'atteint plus. J'suis dans le truc et dans le turc comme dans Baladur. Pose ta tête sur mon armature, ça rassure. J'fais tout pour nous rassasier. Si tu doutes, tu feras le reste à pied. Allez, bouge, laisse ta fée les grands. Y'a de la mouille sur l'estafette étrange. Intense étranglement quand je reviens dans la matrice. Quand je sors mon micro, y'a toujours une amatrice. Fils, roule pas tes spliffs avec un amateur. Je plie ces amateurs, les yeux plissés vers 4h. Je vois les amateurs, leur tête inclinée. Les Arman fait sa ronde quand je te prends par derrière. Je vois cligner l'œil de son rond. Tout niqué chez nous, c'est inné que tu le veuilles ou non. Si j'arrêtais de faire semblant, juste une fois. Impossible. Sullivan est grand, le monde est trop petit. Si j'arrêtais de faire semblant, juste une fois. Sullivan est grand, le monde est trop petit.